La délégation de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, conduite par son président Choi Tae-bo, est arrivée le 19 courant à Téhéran pour effectuer une visite officielle en Iran et participer à la 6e conférence internationale en faveur du peuple palestinien prévue dans ce pays.